L'humaniste, une religion, je me qualifie d'hérétique. Quand tes lames coulent sur mon cœur, je me qualifierais d'hermétique. C'est pas que je vous déteste, je viens d'étouffer mes sentiments. Le noir n'est pas une couleur, mais l'absence de rayonnement. Je me suis pas trompé de chemin, j'avance dans la forêt vierge. D'ailleurs, y'a plus quel qu'il est. Quand la femme recherche la verge, ma folie me personnalise. La souffrance sublime mon âme, une capote dans une église. Un message subliminal, paraît que je suis pas un mec con. Sauf quand mes névroses font litige, mais je me sens vieux quand j'ai des réflexions. D'un mec de 50 piges, ma combe de haine tient même pas dans un graphique. De toute façon, j'ai plus de repères, mon cœur est un diamant. Ah, je me trompe pas, c'est que j'ai un cœur de pierre. Viens la petite araignée, je te fasse monter au plafond. Le mensonge est un sprint, la vérité une course de fond. J'ai une ligne, j'attends Liang, étouffe-moi dans ton étreinte. C'était rébellion, bang, quand mon étoile s'est éteinte. Rébellion, je suis le fils de Noé, monte sur l'arche. Rébellion, les barrières sortent dans ton crâne, monte la marche. Rébellion, le courant va t'emporter. Accroche-toi à la branche et rappelle-toi surtout qu'elle appartient à un arbre qui pend. Rébellion, je suis le fils de Noé, monte sur l'arche. Rébellion, les barrières sortent dans ton crâne, monte la marche. Rébellion, le courant va t'emporter. Accroche-toi à la branche et rappelle-toi surtout qu'elle appartient à un arbre qui pend. Viens visiter ma prose, voilà mon office de tourisme. Et comme tous les pays en guerre, prends ta trousse de secouriste. J'ai la gorge nouée, mais faut bien que je finisse ce thème. J'avais déjà déclaré, je baisserai la vue jusqu'à ce qu'elle m'aime. Regarde Kentix, il fait trop jour, souligne ses caprices au stabilo. Non mais quand vécu est distillé, stylé mon stylo. Je trace ma route dans la jungle, tu sais ici les sentiments. Quand la plus grande de tes erreurs est d'être ouvert aux sentiments. Tu veux que je te touche, que je te comprenne, que j'analyse tes cauchemars. Que je te maintienne, que je te soutienne, que je te dise pourquoi tu te couches tard. L'amour en t'aveugle, l'amitié en sourd. Les souffrances rendent muet, tu me dis de me fier à mes sens. Mais la voix de la sagesse a mué, minette à tête, la transpiration. Tu voulais que je te fasse danser mes soirs, si j'ai de l'inspiration. C'est juste que ma haine m'a ambiancé. J'ai des choses à dire, et j'en ai d'autres à hurler. Le rap n'a pas besoin de grosse caisse pour un message à véhiculer. Rébellion, je suis le fils de Noé, monte sur l'arche. Rébellion, les barrières sortent dans ton crâne, monte la marche. Rébellion, le courant va t'emporter. Accroche-toi à la branche et rappelle-toi surtout qu'elle appartient à un arbre qui pend. Rébellion, je suis le fils de Noé, monte sur l'arche. Rébellion, les barrières sortent dans ton crâne, monte la marche. Rébellion, le courant va t'emporter. Accroche-toi à la branche et rappelle-toi surtout qu'elle appartient à un arbre qui pend. C'est comme les coups, des fois ça touche, des fois ça touche pas. J'ai ressenti la douleur d'un innocent, jugé coupable. Comme dit Pierre Hivert, y a pas d'amour, que des preuves d'amour. Les seuls tu m'as donné relève de la tentative de meurtre. Tu connais, je crois, les sanglots et les effrois. Comment ça, personne te l'a dit, t'as donné, t'as attendu, mais les putes font pas crédit. L'être humain préfère prendre son pied avant de trouver de bonnes chaussures. Se met lui-même des barrières, s'initie à l'autocensure. On avait touché du bois, il reste plus que de la sure. J'étais malade, je te prenais pour mon médoc. Ah mon petit cyanure, retourne baiser le diable. Paraît que tu lui donnes un orgasme. T'es applaudi, continue, mais tes fous rires font la crise d'asthme. Rien n'est acquis, mais garde-le pour toi. Quand la vie t'insulte, faut rester courtois. Rébellion, je suis le fils de Noé, monte sur l'arche. Rébellion, les barrières sortent dans ton crâne, monte la marche. Rébellion, le courant va t'emporter. Accroche-toi à la branche et rappelle-toi surtout qu'elle appartient à un arbre qui pend. Rébellion, je suis le fils de Noé, monte sur l'arche. Rébellion, les barrières sortent dans ton crâne, monte la marche. Rébellion, le courant va t'emporter. Accroche-toi à la branche et rappelle-toi surtout qu'elle appartient à un arbre qui penche.